vous avez des oreilles, nous avons des podcasts. Vous écoutez Choyez vos oreilles, le podcast de la médiathèque de Rumilly qui vous donnera envie d'en découvrir d'autres. Chaque semaine, nous fouillons dans nos rayons virtuels pour vous conseiller trois podcasts sur un thème particulier. Pour ce troisième épisode, nous voulons vous présenter un auteur dont le talent n'a d'égal que la discrétion. Mehdi Bayad, car c'est lui, est un homme du théâtre et du son. Ses productions audio qu'il met en ligne sans trop de publicité sont des succès immédiats. Et aujourd'hui, je vous en présenterai trois, qui ont comme point commun d'avoir un titre coloré. On démarre chronologiquement avec Nuit Blanche. Diffusé en 2019, les 10 épisodes de cette histoire nous emmènent dans une Bruxelles en proie à la panique. Alban, un jeune un peu geek, un peu paumé, descend du train. Quand il essaye de joindre la personne chez qui il doit passer le week-end, la communication se coupe. Toutes les communications. Des mouvements de foule ajoutent au chaos ambiant. Alban essaye de fuir, de se cacher et de comprendre. Nous, on ne le quitte pas d'une semelle et on est aussi perdu que lui. L'action se déroule à un rythme haletant, quasiment en temps réel, entrecoupé de rencontres tour à tour rassurantes ou inquiétantes. Et le dénouement risque de vous mettre KO. Pour ce qui est des voix, elles sont tout simplement parfaites. Les actrices et les acteurs incarnent leurs personnages avec un petit grain de folie quand c'est nécessaire. En bref, si vous aimez les ambiances de fin du monde, vous serez servi. De la nuit blanche, on passe à la lumière noire. Et l'ambiance ne change pas. On est toujours à Bruxelles et on s'intéresse à Mehdi, le jeune animateur d'une radio pirate qui lit, tous les soirs, les courriers qu'on lui envoie. La plupart de ses lettres s'insurgent contre le gouvernement en place, un poil totalitaire, c'est vrai, jusqu'à ce qu'un soir, un de ses courriers évoque d'étranges lumières qui apparaissent dans le ciel la nuit. Bon, il n'y prête pas vraiment attention, mais d'autres lettres arrivent. Et une nuit, Mehdi est lui aussi témoin de ces phénomènes étranges. Il se rend compte aussi que celles et ceux qui les regardent trop longtemps commencent à avoir un comportement inquiétant. La tension monte dans Bruxelles, entre ces lumières, leurs adorateurs et adoratrices et une mystérieuse organisation terroriste. Et quelle est la place de Mehdi dans ce schéma? Quant à vous, n'ayez pas peur, vous ne risquez rien. Et si vous avez aimé cette histoire, jetez une oreille à une autre fiction de Mehdi Bayad qui s'appelle « Bisous à demain ». La dernière histoire du jour change de ton. Rouge Vif démarre dans un studio d'enregistrement. L'animateur d'un podcast reçoit, pour une interview, l'auteur d'un roman à succès. Les deux interlocuteurs s'installent et l'animateur commence à expliquer le déroulement de l'entretien. Difficile d'en dire plus sans déflorer l'intrigue, le début est plutôt anodin et prend la forme d'une charge contre les profiteurs de la bulle du podcast. Mais plus on avance, plus le malaise s'installe. C'est un huis clos extrêmement bien écrit et réalisé. Pour profiter au mieux de l'histoire et de l'ambiance, je vous encourage à vous installer confortablement et à l'écouter si possible au casque, sans être dérangé. Vous serez récompensé de ces quelques efforts, car vous avez là, sans aucun doute, la meilleure fiction que j'ai pu écouter en 2021. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous aimez ces podcasts, parlez-en autour de vous, le bouche à oreille est leur meilleure promotion. Et si vous voulez en apprendre plus sur Mehdi Bayad, écoutez l'épisode que lui a consacré Anne-Fleur Anderley dans Génération Podcast. Et suivez son actualité, il a l'habitude de nous réserver de belles surprises. Pour ne pas manquer nos prochains épisodes, abonnez-vous dès maintenant dans votre application de podcast. Vous pouvez nous écouter sur PodCloud, nous retrouver sur le site de la médiathèque et discuter avec nous sur Twitter. Vous retrouverez tous ces liens et les références des podcasts évoqués dans les notes de l'épisode. Choyez vos oreilles est un podcast de la médiathèque du Quai des Arts de Rumilly, proposé et réalisé par Stéphane de l'espace Image et Son. À la semaine prochaine pour continuer à choyer vos oreilles. Et en attendant, voici un indice sonore pour le thème du prochain épisode.